La radiodiffusion Télévision Française présente une émission publique du Club d'essai, transmise du Théâtre des Noctambules, lecture à une voix, une production de Michel Polac. Aujourd'hui, en première audition, L'école des pères de Jean Anouilh. Lu par Michel Bouquet, que voici. Cécile ou l'école des pères. Comédie en un acte de Jean Anouilh. Personnage, Monsieur Orlas. Cécile, sa fille. Araminte, gouvernante de Cécile. Le chevalier, Monsieur Damien, père d'Araminte. Valet et spadassin. Un jardin de caisses d'oranger. La maison à gauche. À droite, un petit pavillon chinois. En scène, Monsieur Orlas, assis dans le pavillon, et Araminte, debout près de lui. Costume Louis XV, bourgeois ou Louis XVI, peut-être, mais aussi faux que possible. Monsieur Orlas, Araminte, je suis très inquiet. J'ai toujours pensé que vous étiez trop jeune et trop charmante pour vous occuper de ma fille. Araminte, nous étions quatre candidates à ce poste de gouvernante. Les trois autres étaient vieilles ou laides à souhait. Pourquoi m'avoir choisi, monsieur ? Monsieur Orlas, parce que vous étiez jeune et belle, précisément. Mais j'ai peur, quelquefois, de ne vous avoir choisi que pour moi-même. Avoir un pouls chaque jour à ma table m'a paru au-dessus de mes forces. Je crains cependant d'avoir été un mauvais père. J'aurais dû confier Cécile à un vieux dragon et le subir moi-même stoïquement. J'aurais pu prendre mes repas à part ou bien lire les gazettes à table. Araminte, entre autres choses, vous m'avez demandé d'apprendre à Mademoiselle Cécile que rien n'était plus déplacé que de lire en mangeant. Monsieur Orlas, j'ai été un fou. D'abord, vous avez le même âge. Araminte, Mademoiselle Cécile a 17 ans et j'en ai bientôt 23. Monsieur Orlas, c'est la même chose. Araminte, permettez-moi de vous contredire, monsieur. J'ai le sentiment d'avoir appris beaucoup de choses en 5 ans. Et d'abord, à me méfier des hommes. Monsieur Orlas, pourquoi me dites-vous cela? Araminte, pour répondre à ce qui semble vous inquiéter, je suis très capable de protéger Mademoiselle Cécile dont la jeunesse et l'inexpérience pourraient se laisser abuser, en effet, par de belles paroles. Vous devez me rendre cette justice, monsieur, je ne m'en laisse pas compter. Monsieur Orlas, je me demande pourquoi vous vous ingéniez à être désagréable avec moi, Araminte. Araminte, qu'ai-je dit de désagréable? Monsieur Orlas, je ne m'en laisse pas compter. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je vous en compte? Cette rhétorique de jeune oiselle a toujours été de l'hébreu pour moi. Je vous ai fait quelques compliments, la belle affaire. Vous n'êtes plus une enfant, vous avez 23 ans. Je suis un homme pour qui l'amour a toujours été le grand souci. Et quoique père de Cécile, je n'ai pas passé l'âge d'aimer, Dieu merci. Croyez-vous que cela soit facile de vivre dans l'intimité d'une fille ravissante? Je vous ai chaque jour en face de moi, à table, me souriant pendant que Cécile rêve à je ne sais quoi. Le soir, nous montons tous les trois aux étages et votre chambre est à deux pas de la mienne. Je suis un fou. J'aurais dû choisir un dragon. Araminte, il est encore temps. Monsieur Orlas, il est toujours temps de se rendre malheureux pour rien. Je ne parle pas de la peine qu'aurait Cécile, qui s'est beaucoup attachée à vous. Mais ma propre vie en sera tout assombrie. J'expédierai mes repas pour abréger le supplice et j'aurai des maux d'estomac, ce qui aigrit toujours le caractère. D'ailleurs, je ne supporterai pas de vous savoir dans une autre maison en proie à la convoitise des hommes. Vous êtes une enfant, vous avez 23 ans, n'oubliez pas. Que savez-vous de la vie, ma chère? Vous êtes tombée ici sur un homme bien éduqué qui vous respecte. Allez vous placer chez le baron pour élever sa fille, comme je sais qu'on vous l'a proposé récemment. Je ne vous donne pas deux jours pour qu'il vienne gratter à la porte de votre chambre. Araminte, il faut vous rendre cette justice à votre tour, monsieur. Vous avez attendu toute une longue semaine pour le faire. Monsieur Orlas, je suis un homme bien éduqué. D'ailleurs, vous ne m'avez pas ouvert. Araminte, comme je n'ouvrirais pas au baron si j'avais le malheur de perdre votre confiance et que je dusse un jour aller me placer chez lui. Monsieur Orlas. Vous n'allez tout de même pas me comparer à ce vieux barbon. Araminte, je crois avoir entendu dire que vous étiez condisciple chez les pères et qu'à un an près, vous avez le même âge. Monsieur Orlas, oui, mais lui, il le porte. D'ailleurs, laissons cette question. Si je ne vous avais pas remarqué d'une façon ou d'une autre, j'ai l'expérience des contradictions féminines. Vous auriez été la première à vous en offenser. Il se lève, soucieux. Je suis très inquiet, Araminte. Ce petit chevalier est beaucoup trop à la maison. Araminte, il aime Mademoiselle Cécile et Mademoiselle Cécile l'aime. Monsieur Orlas, qu'en savent-ils à leur âge? D'abord, c'est un garçon qui n'a pas d'état. Son père est un peu serré, il a déjà les deux aînés sur les bras. Et même s'il faisait les trois filles religieuses, il ne l'établirait pas. Il en fera peut-être un chevalier de Malte si le grand-oncle décède à temps. C'est tout ce qu'il peut espérer. Donc, de toute façon, le mariage est exclu pour lui. Il faut que leur intimité cesse. Araminte, ils se verront en cachette. Monsieur Orlas, mille diables, mademoiselle, est-ce à vous de me dire cela? Mais vous serez là pour l'empêcher. Araminte, le voudrais-je que ce serait au-dessus de mes forces? Leur passion vaincra tous les obstacles. Et je ne le voudrais pas, monsieur. Je ne puis voir souffrir d'amour. Monsieur Orlas, ah, vraiment. Les souffrances de ce blanc-bec, si je lui interdisais de voir Cécile, vous seraient insupportables, et les miennes, depuis 6 mois que je me dessèche à votre porte, vous les supportez fort bien. Araminte, si je vous avais ouvert, monsieur, croyez-vous que j'aurais pu continuer à mériter votre confiance auprès de mademoiselle Cécile? Monsieur Orlas, n'embrouillez pas la question. Je vous demande, certes, d'être très strict pour Cécile, qui est encore une enfant, mais... Araminte, nous avons le même âge. Monsieur Orlas, vous avez 23 ans, que diable, et elle en a 17. En 5 ans, une fille a le temps d'apprendre à connaître le monde, à juger de la qualité d'un homme et de la sincérité d'un sentiment. Je ne vous comprends pas, Araminte. Vous ne pouvez pas pourtant ne pas voir que je suis amoureux fou de vous. Araminte, je crois en effet qu'on ne peut pas ne pas le voir, monsieur. Vous y mettez toute l'indiscrétion possible. Je dois faire des prodiges d'habileté pour que mademoiselle Cécile ne s'en aperçoive pas. Si vous ne cessez pas d'essayer d'atteindre mon genou sous la table, un jour, vous atteindrez le sien. Monsieur Orlas, une caresse amicale de son père ne peut en rien étonner cet enfant. Je la baise 100 fois par jour. Ah, mince, s'il lui venait le soupçon que cette caresse amicale de son père était destinée à un autre genou, je craindrais que ça ne la blesse, monsieur. Et plus gravement que votre légèreté ne peut l'imaginer. Monsieur Orlas bougonne un peu rêveur. Ma légèreté, ma légèreté... Il demande soudain sur un autre ton. Je suis donc un mauvais père, Araminte, selon vous. Je ne m'en consolerai pas. Araminte, vous avez le désir d'être le meilleur père du monde, monsieur. Mais je pense que c'est à moi de veiller à ce que celui-là, au moins de vos désirs, se trouve réalisé. C'est pourquoi je range mes genoux sous ma chaise dans une position très incommode, je vous l'assure. Et je ne vous entends jamais gratter à ma porte le soir. Monsieur Orlas se rapproche, un peu ignoble. Et si je mettais Cécile au couvent? Un couvent très gai des vacances, en quelque sorte. Ou si je l'envoyais passer quelque temps chez sa tante, la chanoinesse. Elle aurait là-bas une quantité de petits cousins pour l'amuser. Araminte, vous ne voudriez pas lui faire cette peine et la séparer de son petit chevalier? Et d'ailleurs, mademoiselle Cécile absente, ma place ne serait plus dans cette maison. Je la garde, monsieur, mais elle me garde aussi. Ne saurions-nous passer l'une de l'autre au milieu des dangers que nous courons? Monsieur Orlas soupire. La vie est un abîme de contradictions, Araminte. Je passe dans mon cabinet pour réfléchir à tout cela. Je ne peux pas croire qu'il n'existe pas une solution où le devoir et le bonheur se concilient. Araminte, je crois que c'est la grande recherche des hommes, monsieur, depuis qu'ils sont sortis de leur caverne pour essayer de vivre en société. Ils n'ont inventé que le mariage pour essayer de concilier, pour un temps, ces deux notions. Monsieur Orlas, pour un temps très court, Araminte. Croyez-en un homme qui a tenté l'aventure. C'est comme dans ces expériences de chimie où se complaît notre voisin, monsieur de Voltaire. Le mélange pétille au début, puis le bonheur qui est volatile s'évapore, et il ne reste dans la cornue que le gros caillou gris du devoir. Il demande soucieux. Le chevalier vient encore aujourd'hui? Araminte, ainsi que chaque après-midi. Monsieur Orlas, ne les laissez pas seuls une minute. Ces enfants se caressent et s'embrassent dès que vous avez le dos tourné. Araminte, c'est de leur âge, monsieur Orlas. C'est aussi du mien et je m'en passe pourtant. Il va sortir, il se ravise, va à elle. Araminte, c'est trop cruel. Laissez-moi vous prendre une fois dans mes bras. Araminte le repousse, ferme et souriante. Non, monsieur, pas la plus petite fois. Monsieur Orlas sortant dépité. Soyez impitoyables avec eux. Que leurs chaises même ne se touchent pas. Et s'ils collationnent, surveillez la nappe. C'est trop facile d'étendre la jambe par-dessous. Tenez, apprenez donc à ma fille comment il faut se tenir sur sa chaise pour qu'un genou ne vous atteigne pas. Araminte, j'ai peur que cet exercice de gymnastique lui paraisse moins nécessaire qu'à moi, monsieur. Monsieur Orlas, je suis un homme bien malheureux, Araminte. Il sort, entre le chevalier, Araminte, Araminte. Monsieur le chevalier, croyez-vous que j'arrive trop tôt? Araminte, vous arrivez toujours trop tôt, monsieur le chevalier. Nous sortons tout juste de table, le chevalier. J'ai pourtant attendu plus d'une heure dans la rue avant de me faire annoncer. Que de temps perdu, Araminte. On voit que vous n'avez jamais aimé. Ah, Araminte, quand vous aurez mon âge... Araminte, j'ai peur que cela ne m'arrive plus jamais, monsieur. Le chevalier s'exclame. D'aimer et d'être aimé, belle comme vous êtes. Il lui prend les mains et les baise. Araminte lui retire ses mains, riant. Non, monsieur, d'avoir votre âge. C'est une aventure qui m'est déjà arrivée il y a 3 ans. On dit qu'elle ne se renouvelle pas. Le chevalier, c'est affreux d'avoir 20 ans, Araminte, depuis 3 jours. Araminte, on s'y fait, vous verrez. Et à peine a-t-on eu le temps de s'y faire, on ne les a plus. Le chevalier, je serai bientôt vieux, Araminte, et je ne les ai pas encore vécus. Qui dit que tu es arrivé à ton âge sans aimer? Cela ne te sert pas le cœur d'avoir gâché ta vie? Araminte, à vous dire vrai, monsieur le chevalier, j'espère encore. Le chevalier, tu as raison, joli comme tu l'es, rien n'est perdu pour toi. Sais-tu que si je n'aimais pas Cécile, je mourrais d'envie d'embrasser tes mains? Cela ne te blesse pas que je te tutoie. Tu es ma sœur. Araminte retire ses mains. Tutoyez-moi si cela vous amuse, mais ne tutoyez pas mes mains, s'il vous plaît. Le chevalier soudain. Tu sais que je suis désespéré, Araminte. Araminte, voilà du nouveau. Autant qu'hier? Bien davantage. J'ai eu une explication extrêmement orageuse avec mon père ce matin. Il m'interdit de revoir Cécile. Il m'a fait jurer que je passais ce seuil pour la dernière fois. Et vous avez juré? Avec toutes sortes de restrictions mentales, mais enfin, j'y ai été contraint. Araminte, c'est un homme qui n'a pas de cœur, le chevalier. Je crois surtout qu'il n'a pas d'argent. Le bien de Cécile est mince. Les pères sont les êtres les plus extraordinaires que je connaisse, Araminte. Je n'avais pas encore obtenu un seul baiser de Cécile qu'il avait déjà obtenu, lui, du notaire de M. Orlas, les renseignements les plus exacts sur ses biens. Il dit qu'il ne veut que mon bonheur, et je le crois. Mais il doit d'abord établir mes 2 frères aînés. Je n'aurai rien. J'ai le choix entre 2 états, attendre la mort de mon oncle et être chevalier de Malte. Ce qui exclut Cécile, puisqu'on exige le célibat, ou épouser un sac d'écus, ce qui exclut également Cécile. Araminte, et il l'a trouvé? Le chevalier, qui? Araminte, le sac. Le chevalier, oui, il est gros, mais elle est maigre, laide à faire peur et vieille par surcroît. C'est une fille qui a près de 25 ans. Araminte, dans 2 ans, je serai donc vieille. Vous n'êtes guère aimable, monsieur le chevalier. Le chevalier lui baisse les mains. Tu ne me comprends pas, bien sûr. S'il s'agissait de toi, Araminte, là, je ne compterais pas. Il s'arrête. Non, tu vois... Même s'il s'agissait de toi, j'aime Cécile. Et pourtant, j'aime embrasser tes mains. Toi qui as connu la vie, crois-tu que tout reste toujours aussi compliqué dans le cœur? Araminte, toujours. Le chevalier, tu ne nous quitteras pas au moins si j'épouse Cécile. Tu es sa sœur, en somme. Je veux t'épouser aussi, comme sœur. Araminte, riant, la main de Cécile et mes 2 mains, n'est-ce pas, de temps en temps? Monsieur le chevalier, pour n'avoir 20 ans que depuis 3 jours, vous conduisez déjà fort bien vos petites affaires. Mais je vous vois parti pour n'avoir ni l'une ni les autres. Comment voulez-vous épouser Cécile, puisque son bien est trop mince et que vous n'avez rien du tout? Le chevalier, ah! Je ne t'ai pas dit encore, j'ai pris une décision. Araminte, voyons cela, le chevalier, je l'enlève ce soir même. J'y suis contraint pour la revoir, puisque j'ai juré de ne pas revenir ici. Je l'enlève avec toi, bien entendu. Araminte, je ne devrais pas vous le dire, je crois mademoiselle Cécile assez folle pour vous suivre. Mais je suis là pour l'en dissuader. Le chevalier, tu aurais le cœur de nous empêcher de nous aimer? Araminte, de vous empêcher de faire une folie, certes oui. Avez-vous seulement songé aux conséquences de ce que vous avez projeté? Le chevalier, les conséquences sont toutes simples. La mode est au père sensible, Dieu merci, depuis Monsieur Rousseau. Quand nous serons mariés, Araminte, il faudra leur passer un petit éclat pour la forme, et puis ils n'auront plus qu'à nous bénir. Araminte, vous bénir, ils s'y résoudront peut-être, cela ne leur coûte rien. Mais vous donner de l'argent, sûrement pas. Le chevalier, crois-tu qu'en faisant mes 3 sœurs religieuses, mon père ne pourrait pas faire un petit quelque chose pour moi? Araminte, je ne connais pas l'état des affaires de monsieur votre père, mais je trouve que vous en décidez un peu facilement avec la vocation de vos sœurs. Le chevalier, bah, Araminte, elles sont laides. Elles ne trouveront jamais un époux plus indulgent que Jésus-Christ. Et puis, c'est leur vie éternelle assurée. Ici-bas, cela passe si vite. Regarde, tu le dis toi-même, il n'y a que 3 ans que tu as eu 20 ans et tu es déjà désabusé. En les condamnant au ciel, nous leur évitons je ne sais combien d'occasions d'amertume et de tentation de péché. Et puis moi, j'aime tant ces styles. Araminte lui met un doigt sur la poitrine. Ce beau petit cœur tout neuf et qui bat pour tout, à tout rompre, m'a tout l'air d'être un joli petit caillou, monsieur le chevalier. Le chevalier, détrompe-toi, je suis sensible. Il m'arrive de verser des torrents de larmes. Mais on ne peut pas en verser sur tout le monde. C'est au-dessus des forces humaines, il faut choisir. Araminte, d'ailleurs, laissons vos sœurs, vous en serez quitte pour une mauvaise pensée. Même si les circonstances l'obligent à vous marier à Cécile, je suis sûr que monsieur votre père n'aurait pas le cœur de les sacrifier toutes les 3. Il vous faut pourtant peser les conséquences de votre acte. Saurez-vous vivre pauvre? Le chevalier, qu'entends-tu par là, Araminte? Je pourrais tout de même me faire faire un habit nouveau de temps en temps. Araminte, oui, Si petit que soit le bien de Monsieur Orlard, je suis sûr qu'il ne laissera ni Cécile ni vous dépourvus de rubans, mais vous êtes beau garçon, chevalier, de fort bonne maison. Vous n'avez donc jamais rêvé d'un grand établissement, l'existence à la cour, les fêtes, la faveur du roi, un beau régiment peut-être à commander? Le chevalier s'exclame, malheureux, je ne rêve que de cela depuis que j'ai 15 ans, tu l'imagines. Mais j'aime Cécile, tu es cruel, Araminte. Pourquoi jouer à retourner le fer dans la plaie, Araminte? Pour savoir si moi, je peux vous donner mon consentement. Le chevalier, je donnerais tout au monde pour être à cheval devant mes hommes et pour charger. L'odeur de la poudre, l'éclat des lames nues au soleil, la mort, ah, oh, la merveilleuse vie. Araminte. Alors, mon petit cavalier, il ne faut pas prendre Cécile en croupe. On ne charge pas bien avec une femme qu'on aime dans le dos. Ne baissez pas la tête. Regardez-moi. Elle lui relève la tête, il prend ses mains et les embrasse. Le chevalier, oh, tes mains, j'adore tes mains, Araminte. Araminte, vous adorez mes mains, vous adorez charger, vous adorez Cécile. Et au fond, j'ai peur que vous n'adoriez que vous-même. Je vous refuse mon consentement, monsieur. Vous n'enlèverez pas mon élève. Le chevalier, y penses-tu, Araminte? Je me tuerai, Araminte. Mon petit doigt me dit que non. Le chevalier, tu le crois? Montre-le-moi, que je le confonde. Il lui prend le petit doigt et l'embrasse. Entre Monsieur Orlas. Chevalier! Le chevalier le salue. Je vous baise les mains, monsieur. Monsieur Orlas, les miennes aussi? Vous paraît-il naturel, chevalier, que je ne puisse ouvrir une porte sans vous trouver en train d'embrasser quelqu'un dans cette maison? Le chevalier, je saluais Araminte, monsieur Orlas, et tout à l'heure, vous saluerez ma fille. Vous êtes un garçon qui saluait beaucoup trop, chevalier. Mes affaires m'obligent à aller et venir chez moi. Faites en sorte que dorénavant, je puisse ouvrir les portes sans crainte. Le chevalier s'incline gravement. Je vous promets d'y veiller, monsieur. Monsieur Orlas est sorti. Lui ai-je parlé assez respectueusement? Il me semble que j'ai été parfait avec lui. Araminte, parfait. Seulement, il vient de vous trouver embrassant les mains d'une personne qu'il courtise et vous devez enlever sa fille ce soir. Le chevalier, que me dis-tu? Monsieur Orlas te courtise? Je ne le souffrirai pas. Araminte, vraiment? À quel titre? Le chevalier, ne te l'ai-je pas dit? Tu es ma sœur. Je vais aller le trouver sur le champ et lui demander raison de sa conduite. Sache, Araminte, que je ne permettrai à personne de t'importuner. Araminte, qui vous dit d'abord qu'il m'importune? Et quand elle lui demande raison de sa conduite, attendez demain. Comme il aura à vous demander raison de la vôtre, cela ne fera qu'une seule explication. Le chevalier, ce serait folie d'attendre à demain. C'est lui qui le prendra de haut et j'aurai par la force des choses perdu la moitié de mes arguments. J'y vais de ce pas. Araminte l'arrête. Et si je vous défends d'y aller, moi? Le chevalier, tu es donc flatté de ses avances. Un homme de près de 40 ans, qui a déjà un pied dans la tombe. Tu m'épouvantes, Araminte. Tu ne sais pas lire dans ton cœur. Tu ne peux pas aimer ce vieillard. Araminte, qui vous a dit que je l'aimais? Le chevalier, c'est moi que tu aimes, Araminte. Comme un frère, parce que j'aime Cécile, mais c'est moi. Araminte, voilà du nouveau, maintenant. Entre Cécile, toute rouge de colère. Cécile, monsieur, je vous attends à l'endroit convenu depuis une heure. Je sais qu'il y a longtemps qu'on vous a introduit, j'ai entendu sonner la grille. Et c'est à Araminte que vous parlez. Le chevalier va, elle, Cécile, mon amour, je mettais au point avec elle les dernières dispositions pour ce soir. Mon père m'a contraint à jurer que je ne viendrai plus ici. Les choses se précipitent. Il faut que je vous enlève dès la nuit. Cécile, monsieur, si vous avez si peu de hâte à me voir lorsque vous venez ici, que sera-ce quand nous serons mariés et que vous pourrez me voir tout le temps? Il faut que je réfléchisse encore. Je ne sais plus si je me laisse enlever. Le chevalier veut lui prendre les mains. Cécile, mon amour. Cécile, non, monsieur. Dites-les à d'autres, ces mots que vous dites si bien. Embrassez d'autres mains, monsieur. Le chevalier, c'est infâme. Qui a osé vous dire? C'est votre père, n'est-ce pas? Cécile, je n'ai pas revu mon père depuis le déjeuner et il ne m'a rien dit du tout. Mais je connais depuis assez longtemps les hommes pour avoir tout compris pendant que je vous attendais. Le chevalier, qui a été assez vil pour vous rapporter cela, Cécile? Il est vrai que j'ai baisé les mains d'Araminte, mais je la remercie d'accepter d'aider notre amour. Cécile, que dites-vous, monsieur? Ai-je bien entendu? Vous avez baisé les mains d'Araminte? Ah, vraiment, je tombe des nues. Le chevalier, mais vous venez de me dire vous-même qu'on vous avait dit qu'on m'avait vu. Cécile, je vous ai dit que personne ne m'avait rien dit, monsieur. Vous avez voulu vous charger vous-même de me faire cette révélation, voilà qui est au moins loyal de votre part. Allez, vous gardez mon estime, pour cet aveu, si cruel qu'il soit, si vous avez perdu mon amour. Adieu, monsieur. Tenez le serment que vous avez fait à monsieur votre père. Ne reparaissez plus jamais. Elle sort. Le chevalier se jette au pied d'Araminte. Araminte, je meurs à tes yeux à l'instant même. Rattrape-la, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je ne t'aime pas. Tes mains sont douces sous mes lèvres, c'est vrai, mais c'est le plaisir d'un instant. Que Cécile se détourne et il fait noir sur ce jardin. Cours, fais-lui comprendre que je n'aime qu'elle, Araminte, et je te jure de t'aimer toujours. Araminte, c'est bien, monsieur, le temps passe. Je ne veux pas jouer à relever vos contradictions et je vais tâcher d'arranger vos affaires. Vous, préparez tout pour ce soir. Le chevalier, tu consens donc à ce que je l'enlève? Aramin, je verrai le moment venu si je dois laisser aller les choses jusqu'au bout. Je consens du moins à ce que vous fassiez semblant de l'enlever. Vous avez vos raisons, c'est peut-être un moyen de décider vos pères. Le chevalier, merci. Je t'adore, Aramin. Donne-moi tes mains. Aramin, monsieur, vous êtes l'inconscience même. Le chevalier, c'est vrai, j'oubliais. Je ne le ferai plus. Ou seulement quand j'aurai épousé Cécile et que je ne risquerai plus de la perdre. Aramin s'oriente. Comptez-y, prévoyant jeune homme. Le chevalier restait seul. Ah, que c'est amusant de vivre. Je cours prévenir mes spadassins. Nous serons peut-être obligés d'employer la force cette nuit. J'adore Cécile, j'adore Aramin, je les enlève toutes deux et il n'y a que 3 jours que j'ai 20 ans. Il sort. La scène reste vide un instant. Une toute petite musique, peut-être. Puis entre M. Orlas et Cécile se promenant. M. Orlas. Cécile, il faut que je vous parle. Voilà longtemps que je le désire. Nous ne faisons pas grand-chose, ni l'un ni l'autre, de nos journées. Et je n'en ai positivement pas trouvé le temps. Les petits soucis de cette maison m'accablent. Vous êtes très jeune, Cécile. Vous apprendrez en grandissant que c'est toute une affaire de vivre. En fait, me direz-vous, il suffit de se lever le matin et de se coucher le soir, et avec un peu de patience, le jour passe. Pour peu qu'on prenne goût au plaisir de la table et qu'un ami ou deux viennent bavarder avec vous l'après-midi, le tour est joué. Il est l'heure de retourner au lit et d'oublier. Malheureusement, la tête travaille. Cécile. Oui, papa. Monsieur Ornas. Oui, papa, cela ne veut rien dire. Je ne vous demande pas de m'écouter bien poliment en pensant à autre chose, Cécile. Je vous demande de faire un effort pour comprendre ce que je vous dis. C'est trop facile d'être une enfant, de penser les pères sont bêtes, bornés par définition, ils vivent avec leurs préjugés d'un autre âge, ils ne savent rien de ce qui est bon, écoutons-le bien respectueusement puisque c'est l'usage. Oui, papa, je vous le promets, papa, et ne faisons que notre tête une fois qu'ils ont dos tourné. Cécile, non, papa. Monsieur Ornas, non, papa, c'est la même chose. Je vous demande un peu moins de respect, Cécile, et une petite lumière dans vos yeux qui me montre que vous m'écoutez. Si je vous parle comme un père et vous, comme une petite fille, nous nous quitterons tout à l'heure, vous avec une révérence, moi une petite tape amicale sur votre joue, et nous n'aurons pas avancé d'un pas. J'aimerais que vous renonciez aux privilèges de votre âge et que vous m'accordiez pour un moment l'attention et la considération que vous auriez pour un autre enfant. Cécile, vous savez que je vous obéis toujours respectueusement en tout, papa. Monsieur Ornas, bon, vous faites la sotte maintenant. Ce n'est pas là ce que je vous demande, vous le savez fort bien. Mais enfin, quelque chose dans votre regard vous a trahi et je pense que vous m'avez compris. Vous êtes un petit être vif, rusé, sage comme un vieux chinois avec vos airs de folie, mais des conventions millénaires ont dressé une barrière infranchissable entre nous. Parce que je suis votre père et que vous êtes ma fille, nous nous croyons obligés l'un et l'autre de jouer des rôles tout faits. Ce que je vais vous dire est l'avance marquée dans votre esprit de banalité, de conformisme, d'ennui. Vous êtes injuste, Cécile. Imaginez un instant que je ne suis pas votre père. Je vous assure que je suis un homme drôle et charmant. Cécile, oui, papa. Monsieur Orlas, amer, oui, papa. Ne me répondez rien du tout, je crois que nous avancerons plus vite. Je vais d'abord vous faire un aveu, Cécile. J'ai à peu de choses près le même âge que vous. Il la regarde satisfait. Ah, j'ai réussi à vous étonner, tout de même. Mais vous vous méfiez encore, je le vois bien. Vous vous dites que c'est un début inhabituel, mais restons tout de même sur nos gardes. Tout cela va se transformer en interdiction et en morale, comme d'habitude. Rien d'autre ne peut sortir de la bouche d'un père, c'est connu. Vous savez de quoi vous avez l'air en ce moment, Cécile? D'un petit prisonnier que l'état-major ennemi interroge. Pourtant, vous êtes grande et belle. Dans un an, dans un mois, qui sait, demain peut-être, vous serez passée dans l'autre camp, vous aussi. Vous serez une femme. Nous pourrons nous comprendre alors, mais il sera peut-être trop tard. J'aurais voulu trouver le chemin de votre cœur avant. Cécile. Mais mon cœur est à vous, papa. Monsieur Ornas, comme une petite boîte fermée dont on a égaré la clé. Je ne saurai jamais ce qu'il y a de temps. Cécile, après un temps. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur. Monsieur Ornas. Ah, vous n'avez pas dit papa cette fois. C'est un progrès. Je vais vous faire un second aveu, Cécile. Non seulement nous avons le même âge, mais encore vous me plaisez beaucoup. C'est une chance que nous avons tous deux de nous dépêtrer des conventions. Vous eussiez été un vilain petit pou, une bigote ou une sotte, tout simplement. Il ne me serait même pas venu à l'idée d'essayer de me faire remarquer de vous. Voilà 10 bonnes minutes que je fais de l'esprit pour vous plaire, et je ne suis même pas sûr de vous avoir un peu étonné. C'est bien triste, Cécile. Vous verrez, en vieillissant un peu, qu'il n'y a pas tant d'hommes intéressants dans ce monde. Vous en aviez un sous la main? Il est navrant sous prétexte qu'il était votre père, que vous ne lui eussiez pas accordé l'attention. Cécile, après un temps, vous me forcez peut-être un peu vite, monsieur. C'est notre première rencontre. Il faudra que nous nous revoyions. Monsieur Enlace, merci, Cécile. Vous êtes une fille d'esprit, Dieu merci. Je ne m'étais pas trompé. Et vous êtes la sagesse même. J'ai un peu brusqué les choses, en effet. Il faut être resté un bien petit jeune homme pour croire qu'on force les cœurs. Nous y mettrons tout le temps qu'il faudra. Vous voyez, pour certaines choses, vous en savez plus long que moi. Laissez-moi vous baiser la main comme à une dame. Je note que vous m'avez promis un autre rendez-vous. Voulez-vous que nous disions ce soir, après dîner dans le jardin, nous ferons semblant tous deux de monter dans nos chambres, et quand tout le monde dormira, nous nous retrouverons ici. Il vaut mieux que personne ne soit au courant de nos rencontres. Cécile balbutie, désemparée. Ce soir, monsieur? Monsieur en l'instruit. Cela vous paraît trop vite? Vous voulez réfléchir un peu? Cécile ne dit rien. Eh bien, répondez. Qu'est-ce qui vous embarrasse? Cécile, soudain... Puisque vous voulez que nous parlions franchement, monsieur, ce soir, je serai prise. Monsieur Orlas sursaute. Vous serez prise? Après le dîner, que voulez-vous dire par là? J'ai peur de mal vous entendre. Cécile, je serai prise. Je ne peux pas vous en dire davantage, monsieur. Monsieur Orlas soudain hors de lui. Vous ne pouvez pas m'en dire davantage, mademoiselle. Savez-vous bien que vous êtes en train de vous moquer de moi en ce moment? Et que je ne le tolérerai pas? Vous avez un autre rendez-vous, peut-être? Répondez! Cécile se tait. Cécile. Je suis votre père, et j'exige que vous me répondiez. Voilà qui est un peu fort, par exemple. Monsieur, ce soir, je serai prise. Avoir le front de venir me dire cela à moi, son propre père, à 17 ans. Pensez-vous me faire le complice de vos dévergondages, malheureux enfant? Que faites-vous du respect que vous me devez en tout état de cause? Oubliez-vous donc qui je suis, et faudra-t-il que je vous le rappelle? Ah, je regrette, je vous l'assure, ma crédulité, ma confiance. Mais je saurai vous traiter comme vous le méritez dorénavant. Montez dans votre chambre, mademoiselle, Cécile va parler, et sans un mot. Je vous y consigne jusqu'à nouvel ordre. Et je vous jure bien que je ferai en sorte que vous n'en sortirez pas ce soir. Allez! Cécile lui fait une révérence et rentre dans la maison. Sur le seuil, elle se retourne et lui dit simplement navrée. Vous voyez comme c'est difficile, monsieur. Monsieur Enlin, quand elle est sortie, vous voyez comme c'est difficile. Quelle impudence! Un père! Mais il n'y a donc plus rien de sacré. Araminte qui entre. Araminte, je suis hors de moi. Araminte, que se passe-t-il donc, monsieur? Monsieur Enlin, j'avais formé le dessein de parler le cœur à cœur à Cécile. Je m'étais ingénié à la mettre en confiance, à lui faire comprendre que ce n'était pas le père, mais l'ami qui lui parlait. Je croyais percer ce petit mystère et m'en faire entendre encore une fois. Je lui proposais un rendez-vous dans le jardin à lui tomber, pensant qu'un peu de romanesque faciliterait notre conversation. Je lui avais demandé d'être franche avec moi et d'oublier qui j'étais, et vous savez ce qu'elle me répond? Araminte riant. Qu'elle ne pouvait pas ce soir, qu'elle était prise. Monsieur Enlin. Mille diables, mademoiselle! On se moque donc de moi dans cette maison! Vous étiez déjà au courant? Ah, monsieur, vous avez voulu que Cécile vous parle en amie, et je trouve infiniment touchante la marque de confiance qu'elle vous a donnée en vous disant aussi simplement la vérité. C'est exact. Ce soir, elle est prise. Monsieur Enlin, ma fille est prise ce soir. Et sa gouvernante elle-même me le confirme avec le plus grand sérieux. Nous sommes dans un asile de démons. Est-ce qu'il ne serait pas indiscret de vous demander, mademoiselle, par qui ma fille est prise ce soir? Ah, si, monsieur, ce serait l'indiscrétion mère. C'est un secret entre nous deux, monsieur Enlin, c'est un secret entre vous deux, voilà qui est admirable. Araminte, je suis peiné. Cécile n'est qu'une petite tête sans cervelle, mais j'espérais que vous, au moins, vous ne vous moqueriez pas de moi. Je suis un homme très seul, Araminte. J'ai l'air gai, je suis la plupart du temps au désespoir. Quand je m'enferme dans mon cabinet, vous croyez tous que je travaille? À quoi, mon Dieu, je n'ai jamais rien fait de belle. La maison entière marche sur la pointe des pieds pour ne pas me déranger. En fait, vous savez ce que j'y fais dans ce sanctuaire? Je reste assis des heures à ma table et je regarde le mur en face de moi. Ah, mais il faut venir parler avec nous, monsieur. Nous serions, votre fille et moi, trop heureuses de vous distraire. Monsieur Enlin, je ne me sens pas en confiance avec vous. Je devine que vous avez toujours quelques petits secrets qui n'appartiennent qu'à vous. Vous riez comme deux folles au-dessus de vos tapisseries en vous chuchotant « Dieu sait quoi » à l'oreille, j'arrive et vous cessez aussitôt. On dirait positivement que je vous glace. Alors, c'est le respect que nous vous devons toutes deux, monsieur, qui nous arrête. Vous êtes le maître, vous avez de graves soucis. Nous pensons que vous devez avoir bien autre chose en tête que nos bêtises. Monsieur Onas, c'est une erreur. Je n'ai rien en tête, apprenez-le, Araminte, que mon ennui. Mon bien est modeste, mais il s'administre tout seul, et je n'ai jamais eu le bonheur, comme la plupart des hommes de mon âge, de prendre au sérieux la politique. Quand j'avais 20 ans, je vivais de bêtises, comme vous, et le temps me filait entre les doigts. J'ai cru qu'il fallait prendre une attitude pour me donner de l'importance en mûrissant. Chaque jour qui passe m'enferme un peu plus dans cette prison ridicule où je suis mon seul geôlier. Pourquoi ne voulez-vous pas m'en sortir en m'aimant, Araminte? Ce serait un acte de charité. Araminte, je crois qu'on n'a jamais aimé personne pour autre chose que pour son plaisir, monsieur. Mais vous êtes jeune encore et séduisant. Pourquoi ne prenez-vous pas une maîtresse? Cela occuperait vos journées. Par exemple, la belle question. C'est à moi de vous la poser. Araminte, je connais au moins dans cette ville 2 ou 3 femmes jeunes et belles qui seraient enchantées de le devenir. Monsieur Anna, je les connais aussi. Je ne me soucie d'elle comme d'une guigne. Araminte, pourtant, s'il faut vous guérir. Monsieur Anas, l'amour n'est pas une médecine, le plaisir passé, et cela passe vite. Vous l'apprendrez un jour, mon enfant. Je ne saurais pas leur dire 2 mots, je périrai d'ennui à leurs genoux. J'aime autant être seul en face de mon mur. Au moins, moi, je ne m'oblige pas à parler. Araminte, croyez-vous en toute franchise que vous en auriez beaucoup plus loin à me dire, monsieur, si je vous en trouverais ma porte? Le plaisir passé, et cela passe vite, comme vous venez de me l'apprendre. Ce serait exactement pareil. Monsieur Anas, avec vous? Araminte, avec moi, monsieur. Car vous ne m'aimez pas comme je veux qu'on m'aime un jour. Vous vous ennuyez. Je suis jeune et fraîche, j'habite chez vous, voilà tout le mystère expliqué. Vous me parliez du baron tantôt. Dites-moi honnêtement quel homme, se trouvant dans votre situation, n'essaierait pas à tout hasard de gratter un peu à ma porte le soir en montant se coucher. Vous vous conformez tout simplement au plus banal ordre des choses, et moi de même en ne vous ouvrant pas. Croyez bien que lorsque je saurai que j'aime et qu'on m'aime, j'ai l'oreille fine. J'entendrai gratter. Monsieur Anna, sévèrement. Et le garçon qui vous baisait les mains tout à l'heure, mademoiselle, s'il grattait, l'entendriez-vous? Je ne suis pas né d'hier, Araminte. Vous étiez encore une petite fille, que d'autres femmes qui l'avaient appris avant vous me jouaient déjà le petit jeu. Ne me comptez pas plus longtemps les sordes, c'est indigne de vous et de moi. Mes yeux se dessinent, enfin, petite masque. Cécile n'est plus qu'un paravent, ce qui explique toutes vos complaisances. C'est vous que ce garçon vient voir, ici. Araminte, et si cela était, monsieur? Je suis fille, je suis libre. Qui pourrait trouver hardir à cela? Monsieur Onas, moi, parbleu! Araminte, vous vraiment? Et à quel titre, monsieur Onas? Au titre... Ne me mettez pas hors de moi! Votre père vous a confié à moi, Araminte. Je suis garant, par devers lui, de votre honneur. Je suis confiant, peut-être. Même suis-je faible, à force d'être débonnaire, mais je n'ai jamais badiné sur ce point-là. Si vous êtes assez folle pour entrouvrir votre porte à ce Godelureau, un jour ou l'autre, mon devoir sera d'avertir votre père. Et je le ferai. Sachez-le bien. Araminte, et si c'est à vous que je l'avais ouverte, qui donc se serait chargé de l'avertir, monsieur? Monsieur Onas, un peu embarrassé, mais dans ce cas... Cessez de plaisanter, Araminte. Vos plaisanteries ne font rire que vous, Araminte, et vous cessez de rêver tout haut, monsieur. Ce n'est pas pour moi que le petit chevalier vient ici. C'est pour Cécile. Tout le monde le sait, et vous le premier. Je vais même vous confier un secret si vous me jurez de ne le répéter à personne. Jurez d'abord. Je n'ai pas grande confiance en vous. Vous êtes un homme loyal, mais vous avez 2 ou 3 personnalités et vous vous embrouillez vous-même quelquefois. Monsieur Onas, bon, je jure, mais du diable si je comprends. Araminte, sur ce que vous avez de plus cher, et que vous ne le redirez à personne. Allons, écrachez, il faut que ce soit dans les formes. Monsieur Onas, Araminte, vous vous jouez de moi. Là, j'étends la main, je crache. Araminte, eh bien, le chevalier songe si peu à moi, monsieur, qu'il enlève votre fille ce soir. Monsieur Onas, d'abord ahuri, éclate de rire. La plaisanterie est drôle. Mais vous me prenez donc pour un bonnet, pour un père de comédie. Vous imaginez que je vais mettre un manteau sombre et prendre un rhume dans le jardin pour voir si je n'y trouve point d'échelle. À d'autres, mademoiselle. Araminte, il me semble que ce serait prudent. Si Cécile vous a dit elle-même qu'elle était prise ce soir, ce ne doit pas être sans raison. Monsieur, j'enfermerai Cécile à clé dans sa chambre pour éviter à cette malheureuse enfant de venir jouer je ne sais quel pauvre rôle entre vous et votre amant, mademoiselle. Et je dormirai sur mes 2 oreilles, sachez-le bien. Après tout, cela ne me regarde pas si vous avez décidé de vous perdre. Araminte, sans doute, mais à votre place, moi je ferai tout de même une petite ronde. Pour voir si l'on n'enlève pas quelqu'un. Monsieur Onas, c'est bien, moquez-vous. Je vois maintenant que vous ne m'aimez point et que vous ne m'aimerez jamais. Je rentre dans mon cabinet et réfléchir aux moyens de ne pas souffrir davantage. Je suis trop vieux maintenant pour me désespérer. Je vous dirai demain ce que j'aurai décidé. Adieu, Araminte. Je suis un homme profondément blessé. Il fait un pas et se retourne. Parce que je veux vous dire quelque chose. Je grattais à votre porte, c'est vrai. Mais je n'y mettais pas d'insistance. Et Dieu sait pourtant si j'aime les plaisirs de l'amour. J'étais presque heureux que vous n'y ouvriez point. Aramin balbutie désemparé à son tour. Que dites-vous, monsieur ? Monsieur Enlace continue. Oui. Vous êtes peut-être déjà la maîtresse de ce garçon et je me couvre de ridicule en vous parlant ainsi. Je n'ai pas le respect facile, Araminte. Il y a dans une jupe flottant sur une taille souple quelque chose qui enlève de mon esprit jusqu'à la notion du respect. Et pourtant, devant votre porte muette, le cœur a de ses contradictions inexplicables. Il m'était presque doux, dans mon amertume d'homme, d'apprendre à vous respecter. Voilà. Demandez ce soir à ce petit jeune homme s'il comprend quelque chose à cela. Il est sorti. Araminte, restée seule, sourit, heureuse, et murmure. Il n'était que de le dire, monsieur. Et vous qui vous donniez tant de mal, voilà que vous avez trouvé sans le vouloir les mots qui ouvrent les portes des filles. Pauvres petits hommes, pauvres petits coqs. Depuis qu'ils ont l'âge, ils gonflent leurs plumes pour être vainqueurs. S'ils savaient qu'il suffit d'être un tout petit peu blessé et triste pour obtenir tout sans combat. Mais ce n'est pourtant pas à nous à le leur apprendre. Pour celui-là, je suis tranquille. Il sera dans le jardin dès la nuit, manteau couleur muraille, pistolet en poche et le goût du sang dans la bouche. Il se peut qu'il y prenne un rhume, il se peut qu'il y trouve l'amour. Ou bien les deux, on verra bien. L'auteur ne le sait pas lui-même. Elle sort après une petite révérence. La scène reste vide et la nuit se met à tomber tout bonnement sur une ritournelle moqueuse. Quand elle est tout à fait tombée, assez vite pour la saison, paraît un homme enveloppé d'un manteau couleur muraille. L'homme au manteau couleur muraille avance avec circonspection. Il fait un signe. Deux hommes au manteau sombre sortent de l'ombre et le rejoignent. L'homme, chut, les hommes, chut. Une autre ombre en manteau sombre sort de la maison. Le visage dissimulé dans les plis de son manteau. C'est Monsieur Orlas. L'homme au manteau couleur muraille fait signe à ses hommes de s'éloigner. Monsieur Orlas et l'homme au manteau tournent avec précaution l'un autour de l'autre. Enfin, ils se décident à s'aborder. Monsieur Orlas bat. Monsieur Damien ? Monsieur Damien, même jeu. Monsieur Orlas ? Monsieur Orlas, moi-même. Ils se saluent. Monsieur Damien, je vous remercie, monsieur, de m'avoir averti. Monsieur Orlas, n'en faites rien, monsieur. Ce n'était que mon devoir. Je suis un père comme vous, monsieur. Il désigne les deux ombres qui attendent. Ces messieurs-là sont-ils avec vous ? Monsieur Damien, deux hommes de main que j'ai pris la précaution d'emmener. J'ai pensé qu'il faudrait peut-être répondre à la force par la force. Monsieur Enlace, vous avez agi sagement, monsieur. Je me suis moi-même armé de pistolets. Il les montre sous son manteau. Monsieur Damien, comment vous rendre grâce, monsieur ? Monsieur Enlace, c'est la chose la plus naturelle du monde, monsieur. Vous m'avez confié à Ramane. Son honneur m'est aussi cher qu'à vous. Mais vous tremblez. Ne craignez rien, monsieur Damien. Je suis un père, monsieur. Et puis, je vous dirai sans fausse honte, monsieur. Je suis un vieil homme de loi, que j'ai peu l'habitude des batailles. Monsieur, je ne suis pas plus belliqueux que vous, monsieur. Mais s'il s'agit de l'honneur de ma fille ou de celui de la vôtre, je les mets toutes les deux sur le même plan. Et je suis prêt à faire le coup de feu. D'ailleurs, le bon droit est pour nous. Monsieur Damien, oh, je ne vous cache pas pourtant que j'aurais préféré un bon procès, placé comme je le suis, avec un flagrant délit. Oh, j'écrasais la partie adverse. Hélas, cela risquait d'être trop tard. Les amoureux vont vite. Vous êtes père, vous-même. Vous savez comme il est malaisé de protéger ses filles. Monsieur Orlas, à qui le dites-vous, monsieur ? Avant de percer leur intrigue, j'ai craint moi-même un moment pour la mienne. Ces petits jeunes gens ne respectent plus rien. Il me semble que de notre temps, nous étions plus soucieux de l'honneur des familles. Monsieur Damien, bah, nous avons été de rude gaillard, nous aussi. Je pourrais vous raconter cent affaires où j'ai été un peu imprudent. J'avais le sang vif à 20 ans. Monsieur Orlas, on en parlait encore quand j'ai eu l'âge de comprendre. Vous fûtes un rude luron, monsieur, monsieur Damien. Et les dames de ce pays en savent quelque chose. Elle ne prononçait votre nom qu'en rougissant. Eh, je n'étais encore qu'un gamin que je rêvais, monsieur, d'égaler un jour vos exploits. Monsieur Damien, mille grâces, monsieur. Il est vrai que j'ai peu connu de cruels sous le feu roi, mais je crois que depuis, vous avez fait vous-même quelques bruits dans notre petite ville, monsieur. Monsieur, là-bas, j'ai brisé quelques cœurs qui me l'ont bien rendu. Voilà tout. Il faut bien que jeunesse se passe, monsieur Damien. Cependant, monsieur, nous y mettions des formes. Nous n'étions pas de ces petits jeunes gens, monsieur Orlas, qui ne respectent rien, monsieur, monsieur Damien. Nous nous en tenions aux femmes mariées. Un cocu de plus ou de moins, après tout, ce n'était pas le diable. Monsieur Orlas, quelques servantes au besoin, quelques paysannes faciles. Mais des demoiselles de condition, monsieur. monsieur Lamain. Sans souci de l'honneur des pères, monsieur Lamain. Il faut que nous soyons impitoyables, monsieur. Attention, dissimulons-nous. Il me semble apercevoir une ombre au bout de l'allée des tilleuls. Ce doit être notre aventurier, monsieur Lamain. Pensez-vous qu'il soit homme à tirer l'épée? Ces petits messieurs de la noblesse se croient volontiers tout permis, monsieur Orlas. Le droit est avec nous, monsieur. Et d'ailleurs, avec vos spadassins, nous sommes quatre. Monsieur Lamain, oui, mais il ne faudrait tout de même pas s'exposer à quelques blessures. Dissimulons-nous assez loin. Au signal, nous lancerons nos hommes, monsieur Orlas. N'ayez crainte, nous ferons honte à ce gamin avant qu'il songe à dégainer. Le chevalier entre, revêtu d'un manteau sombre. Il va à la maison, fait un signal. Araminte paraît à la fenêtre. Le chevalier, c'est toi, Araminte? Araminte, oui, c'est moi. Elle paraît à la porte enveloppée d'un manteau et va à lui. Le chevalier, et Cécile? Araminte, elle vient, mais il y a un petit contretemps que je vous dirai tout à l'heure. Il faut vous cacher un peu par ici. Elle l'entraîne vers le petit pavillon chinois et l'y fait entrer. Araminte, faites-le mort jusqu'à ce que je revienne. Et quoi que vous entendiez, ne bougez pas. Elle l'enferme. Le chevalier dans le pavillon, mais pourquoi m'enfermes-tu à clé? Araminte, pour être sûr de vous retrouver le temps venu. Silence, ne soufflez mot, tout va bien. Elle retourne à la maison et fait un signal. Cécile paraît dissimulée sous une mante. Cécile, c'est toi, Araminte? Araminte, oui, vous pouvez venir maintenant. Tout se déroule comme prévu. Je monte prendre vos affaires. Attendez-moi là, Cécile. Où est le chevalier? Tu sais bien que j'ai peur dans le noir. Araminte, on n'a pas peur le soir où on se fait enlever, mademoiselle. Le chevalier vous rejoint à l'instant. Elle fait encore un signal et disparaît dans la maison. Monsieur Orlas, dissimulé sous sa cape, vient tourner autour de Cécile qui s'inquiète, hésitant à le reconnaître. Monsieur Orlas, dans un souffle. C'est vous? Cécile, de même. Oui. C'est vous? Monsieur Orlas. Oui. À part, Loisel est prise. Feignons d'être lui. Cécile. J'ai un peu peur, monsieur Orlas. Ne craignez rien, mon enfant, je suis là. Cécile. Vous êtes sûre au moins que vous m'aimez? Sinon, il serait temps encore. Monsieur Orlas, n'en doutez pas, ma belle. Je suis à vous pour toujours. Cécile. Comme vous parlez étrangement. Je ne reconnais pas votre voix. Monsieur Orlas, c'est que je parle bas de peur qu'on ne nous entende. Cécile. Dès qu'elle sera là, nous nous sauverons vite. Vos chevaux et vos spadassins sont à la petite porte? Monsieur Orlas, comme prévu, à part les schnappants. Ils enlevaient également ma fille. Cécile, que dites-vous, monsieur Orlas? Je dis, elle est gentille, mais pourquoi emmener cet enfant? Ne serions-nous pas mieux sans elle? Cécile, monsieur, je suis peut-être folle, mais je ne me laisse pas enlever sans chaperon. Monsieur Orlas, bon, un chaperon, cette gamine. Et que dira son père? Cécile, et que dira le mien? Il faut se résoudre à quelques petits désagréments lorsqu'on se fait enlever. Monsieur Orlas, à part quelques petits désagréments, comme elles prennent gaillardement les choses. Cécile, que murmurez-vous donc toujours? Je ne vois pas votre visage. Monsieur Orlas, je me disais qu'elle nous ennuiera et que nous eussions été mieux tout seuls, mon aimé. Cécile, elle est ma sœur, monsieur. Je ne vais rien sans elle. Du moins, il faut me jurer que vous ne lui baiserez plus les mains. Monsieur Orlas, à part. Ah, ah, nous y voilà. Cécile, vous nous enlevez toutes les deux, mais c'est moi seule que vous épousez. Monsieur Orlas, en douteriez-vous, mon amour? À part, j'avais vu clair. Le garlement faisait coup double. Ah, Cécile, mes assiduités auprès d'elle n'ont jamais été qu'un paravent commode. D'ailleurs, pourquoi parler mariage? L'amour, l'amour seul, n'est-il pas suffisant? Cécile, je vous aime, monsieur, et c'est une raison suffisante, en effet, pour vous suivre, mais ne faut-il pas se conformer aux lois? Monsieur Orlas, quel vilain mot dans cette jolie bouche. Quelle autre loi que celle de nos cœurs, Cécile? Mais enfin, mon père, monsieur... Monsieur Orlas, qu'importe ce vieillard soupçonneux, nous voyagerons, ma belle, nous serons ces personnages prestigieux et haïs des cœurs faibles, qui n'ont pas osé tout donner à l'amour, les amants, les amants. As-tu déjà pu entendre prononcer ce mot sans te troubler, Araminte? Cécile se recule un peu, murmurant. Araminte? Monsieur Orlas, n'est-ce pas mieux qu'un ménage, des enfants criards pendus à tes jupes, une servante et ses casseroles à gouverner? L'amour s'enlise dans la vie de tous les jours, notre amour sera chaque matin une chose nouvelle à conquérir et à défendre. Nous aurons des scènes affreuses, nous nous ferons atrocement mal, nous déchirant toujours sans pouvoir jamais nous passer l'un de l'autre, esclaves et tyrans tous deux. Les hommes te désireront tous dans les fêtes et nous passerons nos nuits et leurs désirs te révélant à moi-même, tu joueras à me faire souffrir. Je ne saurai jamais si tu m'aimes vraiment et ce que cachent tes sourires. Et s'il advient de t'absenter une heure un jour, un verre me rongera le cœur à jamais. Car tu me mentiras toujours et tu seras pour moi un éternel mystère. C'est cela vivre, Araminte. C'est cela être femme et aimée. Cécile, qui a reconnu son père pendant qu'il parlait, a un petit sourire. Mon Dieu, monsieur, comme vous vous trompez. Je n'ai pas envie de vous quitter jamais, même une heure. Je n'ai pas envie de vous mentir. Quant à vous faire du mal, quelle folie! Je souffre bien trop à la petite ombre dans vos yeux. Je ne veux qu'être à vous tout bonnement et savoir que c'est pour toujours. Vous êtes bien jeune, sans doute, et vous ne connaissez pas les filles. Les plus folles ne souhaitent pas autre chose, monsieur. Monsieur Orlas, tu n'as donc pas lu la vie des amantes célèbres? Elle n'aimait qu'elle, ma pauvre enfant. Les hommes étaient qu'une pâte qu'elle pétrissait à leur gré, un simple instrument de leur propre triomphe, comme leurs phares et leurs bijoux. Cela ne te tente donc pas d'être une de ces monstrueuses déesses, de ravager les cœurs autour de toi? Cécile, pas le moins du monde, vraiment. N'aimer que soi, cela doit être bien monotone. Et toutes ces fameuses dames, croyez-vous que si elles avaient été heureuses avec un homme, une bonne fois, elles auraient tellement eu envie de changer? Je ne me soucie pas d'elles. Mais si je m'en soucie un jour, ce serait pour les plaindre n'avoir pas trouvé l'amour. Voilà tout. Monsieur, on lance l'amour, l'amour. Que sais-tu de l'amour à ton âge, Cécile? Tout ce qu'on n'en apprend pas, monsieur, c'est-à-dire presque tout. Monsieur Enlas, eh bien, je t'apprendrai le reste. Cécile se recule. En vérité, monsieur, ce sont d'étranges paroles dans votre bouche, et je suis confuse de les écouter. Baissez le masque, maintenant. Vous savez bien que je vous ai reconnu malgré la nuit. Que dirait votre fille qui vous aime et vous respecte si elle savait que vous parlez ainsi à d'autres filles dans le noir? Monsieur Enlas, d'abord surpris, se découvre. Eh bien, oui, c'est moi, Ramin, puisque tu m'as reconnu. C'est celui qui, depuis si longtemps, te désire. J'ai voulu prévenir cet enlèvement ridicule, car je sais mieux que toi que tu ne peux pas aimer ce gamin. Quant à Cécile, ne crains rien pour elle. C'est une enfant qui ne sait rien, n'y pense plus. Nous la mettrons dans un couvent ou chez sa tante. Et cette nuit, c'est moi que tu suivras, car je t'aime, entends-tu, Ramin? Je t'aime comme un fou, et je ne peux plus me passer de toi. Cécile, de sa vraie voix. Il y a longtemps que je sais que vous aimez Araminte, mais si vous l'aimez tant que vous dites, pourquoi ne pas l'épouser, papa? Monsieur Enlas sursaute et recule, s'écriant papa. Qui êtes-vous donc? Malheureux enfant, est-il possible que vous ayez eu le cœur de vous jouer ainsi de votre père? Cécile, est-ce moi qui vous ai abordé, monsieur? Est-ce moi qui ai pris l'initiative de cette conversation étrange? Monsieur Enlas, petite malheureuse, oubliez sur le champ tout ce que je viens de vous dire. Rien n'était vrai. Cécile, Cécile, doucement. Monsieur, je n'ai même pas entendu. Monsieur Enlas, sachez que je vous avais reconnu moi-même et que je ne voulais pas vous faire honte. Cécile, alors pourquoi toute cette comédie? Il eût été si facile de dire bien haut à Araminte que vous l'aimiez. Monsieur Enlas, sévère mademoiselle, c'est à votre père à vous poser les questions et non à vous. Que faisiez-vous dans ce jardin à cette heure avancée de la nuit, dans une mande de voyage? À qui croyez-vous donc avoir affaire avant de m'avoir reconnu? Araminte qui paraît souriante. Au chevalier, monsieur, qu'il aime et qui voulait l'enlever ce soir même pour l'épouser et faire son bonheur. Ne vous avais-je pas averti, monsieur Enlas? Vous osez donc paraître, mademoiselle. Apprenez qu'il y a des lois dans ce royaume pour protéger l'honneur des pères. Il appartiendra à d'autres qu'à moi d'apprécier votre rôle, car je compte aviser la justice de tout cela. Vous alliez vous faire complice d'une vilenie, mademoiselle. Le mariage est chose sacrée, apprenez-le de ma bouche. Lui seul peut sanctifier l'amour. Ne risquez-vous pas, en favorisant cet enlèvement nocturne, de faire de ma fille une de ces malheureuses filles perdues qui se sont pour toujours rendues malheureuses en croyant placer l'amour avant le devoir? Répondez! Ah, monsieur, j'étais à la fenêtre. Et je vous écoutais quand vous pensiez me convaincre du contraire tout à l'heure. Vous avez un trop mauvais rôle. Il vaut mieux ne pas insister et ne pas brandir vos pistolets au risque de blesser quelqu'un. N'avons-nous pas su l'une et l'autre, pauvre fille, garder notre honneur sans vous, et quelquefois même contre vous? Cécile a répondu pour moi à vos folies aussi bien que j'aurais pu le faire moi-même. Ne nous accorderez-vous pas un peu de respect et de confiance maintenant? Monsieur Enlas, viens dans mes bras, charmante fille. C'est Cécile qui a été sage, c'est vrai. Si je t'aimais, pourquoi ne pas te l'avouer, demander tout bonnement ta main? Je sais maintenant que tu m'aimais aussi. Cécile, vous pouvez l'embrasser, monsieur, je me retourne. Monsieur Enlas, merci, Cécile, mais je le fais si tendrement que vous pouvez être notre témoin. Monsieur Damien surgit avec ses hommes de main. Monsieur Damien, suce dans mes bras, nous le tenons! Il se précipite sur Enlas. Je vous y prends, monsieur, à embrasser ma fille. Flagrant délit, enlèvement avec violence. Vous ne coupez pas aux galères. Il reconnaît Enlas. Mais quoi? Quelle est cette trahison? C'est vous, monsieur, que je trouve de nuit en train d'embrasser un ramin? Monsieur Enlas, je vais vous expliquer, monsieur. Monsieur, je vous croyais un père et vous n'étiez qu'un suborneur. Rêvais-je? Ou est-ce vous qui me juriez tantôt le pistolet en main de protéger l'honneur des demoiselles? Monsieur Enlas, commençant les explications embarrassées. Monsieur, l'amour est mon excuse. Ce sentiment plus fort que tout. Monsieur Damien a d'autres, monsieur a d'autres, ce n'est pas moi qu'on paie de mots. Feriez-vous donc, vous aussi, bon marché les choses les plus sacrées, monsieur? Seriez-vous un de ces hommes légers qui saccagent la réputation des dames? Monsieur Enlas, non, monsieur, mais il est parfois les circonstances ou l'amour. Monsieur Faribault, vous parlez à un père, monsieur, pour les y gardes. C'est un mot qu'ils n'entendent pas. J'ai eu grand tort de vous faire confiance. Vous n'êtes après tout qu'un gamin. Monsieur Enlas, mais monsieur! Monsieur Damien, respect à mes cheveux blancs. Je pourrais être votre père, monsieur. Araminte, merci, papa. Vous avez eu un mot charmant qui me décide à l'aimer. Monsieur Damien, l'aimer. Vous n'avez donc tout ce que ce mot à la bouche. Moi seul, aurais donc passé l'âge. Je vais vous le faire payer très cher, jeune gens. Monsieur Enlas, vous êtes injuste, monsieur. Vous avez aimé, vous aussi, vous me l'avouez tout à l'heure. Et il y a dans le sentiment quelque chose qui triomphe de tout. Et c'est pourquoi il aperçoit le chevalier que Cécile a été délivrée avec la clé d'Araminte et qui est en train de l'embrasser. Une minute, monsieur. Voici notre Godelureau. Il va à eux indigné. Monsieur, je ne rêve pas. Vous êtes en train d'embrasser ma fille dans mon propre jardin, la nuit, et moi présent. Le chevalier, monsieur, je l'aime. Faible excuse, monsieur. Mais vous venez de le dire vous-même, l'amour... C'est un mot trop commode, jeune homme, et il y a dans ma bouche un tout autre sens que dans la vôtre. Ah, mon jeune libertin, je sais quel noir dessein vous avez perpétré, mais Dieu merci, je suis intervenu à temps. Force restera à la loi, et vous savez le prix de tout cela, les galères, monsieur, les galères. Monsieur, vous n'aurez pas le cœur, monsieur. Vous parliez à un père, monsieur, gardien de l'honneur de sa fille, un père. Il y a dans la majesté de ce mot-là quelque chose qui aurait dû vous arrêter. Monsieur Damien qui le rattrape. Vous nous la braillez belle. J'en suis un autre, monsieur. N'essayez pas de noyer le poisson avec l'honneur de votre fille quand c'est moi qui vous demande des comptes de l'honneur de la mienne. Monsieur Orlas, mais puisque je vous dis que je l'aime, monsieur. Le chevalier à monsieur Orlas, mais puisque je vous dis moi aussi que je l'aime. Araman s'avance, cette petite comédie commence à se faire longue. Ne croyez-vous pas que nous l'avons tous assez dit? Mon père, monsieur Orlas, m'épouse. Monsieur, le chevalier a l'honneur de vous demander la main de votre fille. Ne pensez-vous pas que nous pouvons quitter nos manteaux sombres maintenant et discuter de tout cela autre part que dans le jardin? La nuit est fraîche, nous risquons tous de prendre le train, et j'avais fait préparer un souper. Elle tape dans ses mains, deux valets paraissent avec des candélabres, d'autres bougies s'allument dans la maison. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, la table est mise. Il y a même des musiciens que j'ai fait venir en cachette. Et pour dessert, un gros gâteau de fiançailles avec nos quatre noms écrits en angélique. Monsieur Orlas, tu savais donc que tout se terminerait ainsi, précieuse fille. Araman, j'étais dans le secret de la comédie, monsieur. Et au théâtre, tout se termine toujours bien. Monsieur Orlas, prenant le bras de monsieur Damien. Monsieur Damien, passons à table. C'est la fin naturelle en France. Noces, baptême, duel, enterrement, escroquerie, affaire d'État, tout est prétexte à cette fin-là. D'ailleurs, ma cuisinière a du génie. À elle seule, elle justifierait que vous souhaitiez l'entrée dans ma famille. Et... dites donc à vos spadassins de venir boire à la cuisine. Au chevalier. Au vôtre aussi, monsieur, qui attendent, paraît-il, à la petite porte. Le chevalier. Mille merci, monsieur. Mais je me suis aperçu que c'était les mêmes. Monsieur Damien, outré. Comment cela? Je les ferai pendre. Monsieur Orlas, l'entraînant. Faites leur grâce, monsieur. Ce sont les deux seuls spadassins de notre petite ville, et ils ont si peu de travail. Ils passent tous en cortège dans la maison illuminée d'où viennent des bouffées de musique. Pendant qu'ils sortent, Cécile, restée en arrière, semble boudée. Le chevalier va à elle, le chevalier, eh bien, Cécile. Vous voilà devant le bonheur, et vous ne voulez pas entrer? Cécile, je suis en train de prendre une décision capitale, monsieur. Le chevalier, je vous jure, mon amour, que je n'embrasserai plus les mains d'Araminte. Cécile, j'y compte bien, monsieur. Mais j'ai bien réfléchi à tout ce que m'a dit mon père tout à l'heure. J'étais bien naïve, en effet. Je crois, toute réflexion faite, que c'est moi qui vous ferai souffrir. Elle entre, le chevalier la suit, inquiet. Et la musique se précise, allègre, pendant que le rideau tombe. La radiodiffusion Télévision Française vous a présenté une émission publique du Club d'essai, transmise du Théâtre des Noctambules, Lecture à une voix, une production de Michel Polac. Aujourd'hui, en première audition, L'école des pères de Jean Anouilh, lu par Michel Bouquet.